Bonsoir tout le monde. Alors, je suis Armand Hider, 34 ans, agent EDF de régie eau et électricité avant. Et pendant ces 34 ans, j'ai eu plusieurs fonctions. Et par chance, j'ai terminé mes 5 dernières années entre Cayenne, Kourou, Sénamarie et le barrage du Petit Sault. C'est-à-dire le site lui-même qui était Petit Sault où on allait s'amuser. C'était un lieu de promenade qui avait été contesté parce qu'on allait mettre un barrage à cet endroit. Mais le plaisir pour moi, c'est la communication que m'a demandé la Canopée des Sciences pour communiquer avec vous. Je ne les connaissais pas il y a 2 ou 3 mois. C'est une info. J'écoutais, je suivais, mais je n'avais jamais été en contact avec cette association de qualité que je connaissais un peu, compte tenu du fait que les relations établies par EDF me permettaient de rencontrer un certain nombre de personnes, y compris avec ceux de la CEPANGUI, ainsi de suite, puisque nous avons créé un nombre important d'associations qui s'occupaient soit de l'environnement, soit du patrimoine culturel, soit des archives. Que nous avons beaucoup, beaucoup d'archives, des choses. J'ai retrouvé ça dans les archives de Saint-Laurent-du-Maroni. J'ai constaté qu'il y avait pas seulement le chemin de fer de Saint-Jean-Saint-Laurent, mais aussi une gare, une grande gare avec tout dedans. Et Saint-Laurent-du-Maroni était une beauté. Une beauté. Et alors nous allons, je pense, un jour, faire une conférence spéciale sur ça avec des images, de belles images de cette époque. Et pour montrer comment le cheminement s'est fait entre l'administration pénitentiaire et entre la vie de l'Imini, qui était une partie de la Guyane, et la Guyane proprement dite, qui était la côte. Hein? La Guyane s'appelait seulement que de Cayenne à Saint-Laurent-du-Maroni, en passant par Saint-Georges-de-Vierpont, c'était ça la Guyane. Et l'autre partie, c'était l'Imini. L'ININI, qui était composé de plusieurs sites de développement. Que s'est-il passé, justement, pour que cette ININI puisse apporter son concours au développement de l'ensemble du territoire de 84 800 km2? C'est ça l'enjeu. Plusieurs missions ont été envoyées, plusieurs. Le bail n'a pas été une réussite. J'ai un ouvrage qui me dit c'était vraiment, si vous voulez, une catastrophe. Parce que 70 000 bagnards sur ce territoire qui ont vécu, travaillé, qui sont morts en bonne partie et qui ont été des gens de qualité, je rappelle, y compris les Annamites qui n'étaient pas des bagnards. Ce sont des réfugiés, des politiciens qu'on a envoyés. Et il y avait les médecins, il y avait dedans, il y avait tout le monde, de qualité, des gens de qualité. Et ce n'étaient pas des assassins. Mais c'était ça. Pour le développement de la Guyane, il fallait, et la France métropolitaine avait choisi tous les moyens. Parce que les échecs se répétaient, beaucoup d'échecs. Le docteur Henry a fait un livre là-dessus qui était extraordinaire. Si vous pouvez lire ce livre, c'est important. Alors, l'ININI, avec sa panoplie d'activités, avait offert le séjour aux Saint-Luciens qui sont venus à la rue vers l'or en 1900, 1901, 1902, 1906. Et ces orpailleurs ont sillonné le pays. Quand les gens vont à Saül, ils ne savent pas qui est Saül. Saül, c'est un Saint-Luciens qui ne savait presque pas lire. Et Saül a développé l'orpaillage entre Mana et là où il s'est arrêté après le 99e saut. Il y a 99 sauts sur Mana. C'est un développement harmonieux du fleuve Mana. Et de l'autre côté, le fleuve Sinamari, occupé par les Amérindiens 5000 ans avant Jésus-Christ, dans les fouilles du chantier dont on va parler tout à l'heure, la découverte de ce chantier, les trouvailles de ce chantier ont bouleversé l'histoire de la Guyane. Et les archéologues se sont mis à travailler sur le sujet d'une façon extraordinaire. Alors, ces emplacements, ces développements économiques commencés par des personnes venues de l'extérieur nous ont conduit ont conduit la France métropolitaine à dire mais quels moyens nous allons mettre en place pour développer la partie mécanique, la partie machine. Si vous allez à Petit Sault, vous allez vous retrouver avec une locomotive que les Américains avaient amenée quand ils ont vu le développement économique de Saint-Élie et de Sinnamary. Le chemin de fer de 32 km qui partait de la Gartigue, il y avait une Gartigue, la gare était là, dans la forêt, et qui reliait Gartigue, Saint-Élie pour le transport de l'or, et après il descendait par le fleuve. C'était toute une. Je l'ai fait dans la réalité, j'ai pris les wagons poussés par des Saint-Luciens, remonté les 32 km de chemin de fer, passé les 14 ponts, parce qu'il faut passer sur 14 ponts pour arriver à Saint-Élie, et revenir. Et tout ça, il ramenait, je ne dis pas des tonnes d'or, mais il ramenait de l'or. C'était l'industrialisation par l'or. Tout ça. Il fallait trouver un moyen d'électrifier ou d'apporter l'électricité à ces gens pour provoquer un développement plus important. Cayenne, avec son développement de gens de tous bords, hein. C'était les créoles en partie, les Chinois venus, les Chinois venus de Chine, des Saint-Luciens, et après, c'est une communauté haïtienne qui est arrivée. Tout ça a fait un ensemble d'ouvriers pour la construction et l'aménagement du territoire. La première centrale qui s'installe est une centrale à bois et qui se trouvait près du marché de Cayenne. Nous avons d'ailleurs récupéré un certain nombre d'images aussi. Et cette centrale bois fournissait de l'énergie uniquement le soir pour alimenter Cayenne en éclairage. La progression s'est faite doucement et à force de progresser, on a abandonné nos lampes tempêtes et nos lampes tièses et nos lampes à pétrole et à schiste. Nous avons abandonné les bougies et on a électrifié nos maisons. Et au fur et à mesure de ce développement, Cayenne a pris une nouvelle dimension. Mais on ne pouvait pas rester dans une petite unité avec du bois transporté de sel. De Tony Grand, de Montigny, le bois était coupé aussi à Aura, et tous ces troncs d'arbres descendaient par la rivière, par le fleuve, par la rivière de Cayenne, et arrivaient là, au canal de Saint. Vous avez encore la grue, il y a une grue qui est là, qui est marquée d'ailleurs, c'est 1896-95, cette grue qui est là, et qui permettait de soulever les stères de bois pour les ramener à la centrale. La régie, eau et électricité, prend naissance. Et le développement harmonieux du pays reprend un peu vie, et le conseil général dit il faut construire une vraie centrale électrique. Cette centrale électrique va prendre naissance de l'autre côté du canal et à l'Ille-Malouin. L'Ille-Malouin, c'est la prolongation que vous avez de la rue René-Coutel, je crois maintenant. Ben, c'était cet espace-là qui était réservé et cette centrale au gasoil après devenu au fioul, mais c'était le gasoil, et ça a permis la normalisation de l'énergie. Mais Cayenne se développe encore davantage, Rémy Ronjoly, Matoury, l'île de Cayenne prend de l'ampleur, et ça a été une chose importante, il a fallu de faire des réseaux d'électricité. Alors ces réseaux d'électricité partaient depuis l'île Malouin et partaient dans les communes les plus proches, mais ne traversaient pas ni le Maïri, ne traversaient pas non plus la rivière de Cayenne, donc toujours pour aller à Macouria, ni Montsinéry dans les Grandes. Il n'y avait que Cayenne et l'île de Cayenne qui avaient le libérage, qui avaient cette chance de pouvoir installer un certain nombre d'appareils et l'arrivée de machines, l'arrivée de réfrigérateurs, l'arrivée de plusieurs choses qui nous permettaient d'améliorer les conditions de vie des Guyanais, des Cayennais. Puis, l'île Emmanuel, la centrale vieillissante, a suscité, a demandé à être remplacée. Et le digueur des cales a été choisi pour augmenter la capacité de production. Et cette capacité de production a fait que l'extension a pu se faire et traverser les deux fleuves, le Mahuri et traverser la rivière de Cayenne pour aller rencontrer nos amis de Macouria et Panouco. Les administrations, les services de l'État, les services, les entreprises qui sont venues s'installer pour le développement d'abord du centre spatial, mais aussi pour le développement de la transformation du bois. Il y avait deux, trois unités là, qui sont venues, l'unité bois océan, le contreplaqué guyanais, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a eu quand même des expériences importantes. On n'a pas misé trop sur la pâte à papier, parce que la pâte à papier n'a pas donné le résultat attendu. Mais il y a eu de grandes idées, des grands moments où on a dit, le gouvernement français a voulu redonner une image à la Guyane un peu plus importante et plus claire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le fait de ne pas pouvoir développer les routes, les accès, certains projets ont disparu ou presque. Et ces projets qui ont disparu ont diminué la projection du développement économique. Le centre spatial est devenu, quand il est arrivé, presque un sauveur. Et ce sauveur, par malchance, la fusée Europa n'est pas partie comme on le souhaitait, a fait un vide. Le centre spatial a repris une activité quelques années après et a permis, avec les entreprises, de reprendre cette fameuse construction du barrage hydroélectrique de Petit Saut. Et en 1986, 1985, 1986, 1987, une grande étude pour l'emplacement, pour la situation géographique, pour savoir si on fait Amana sur le fleuve, si on fait... Et ça a duré près de 10 ans pour faire le barrage hydroélectrique pour nous, 10 ans presque. Le 1er juillet 1989, j'ai été désigné, choisi en qualité de chargé de communication et de relations publiques à EDF Guyane, après avoir fait 10 ans dans la formation professionnelle et dans le social, pour m'occuper de l'ensemble des travaux de la construction du barrage et de réaliser un document d'information pour que ceux qui viennent après puissent savoir ce qui s'est passé. Et voilà comment je suis arrivé à faire le Cayenne Sinamari, en passant par Kourou et en remontant le fleuve sur 40 km de rivière, tous les deux matins, parce qu'il n'y avait pas de route. Et il fallait monter le matin à 6h et redescendre le soir à 19h. La première pierre, il y a une des photos de cette première pierre que j'ai posée, et ça m'a, quand chaque fois que je vois cet emplacement, là où nous avions l'habitude d'aller nous amuser, puisque c'était Petit Sou, c'était une belle plage, le sable blanc, et puis on avait des carpés, on passait la nuit là-bas. Et bien, c'était à cet endroit qu'on a posé la première pierre du barrage hydroélectrique de Petit Sou. Je vais vous laisser regarder le film qui va vous resituer dans l'esprit, dans l'image de ce qui s'est passé. Et puis nous allons discuter tout à l'heure. Merci. Nous avons choisi le film le plus récent pour vous permettre d'être plus, et ça nous permettra d'aller plus loin après. Cet édifice colossal a été construit en 1989 et achevé 5 ans plus tard. Avec 3,5 milliards de mètres cubes d'eau, c'est la plus grande retenue de France. Mais pour installer un tel édifice, il a fallu transformer tout un écosystème. Comment a été construit le barrage de Petit Sceau? Quelles conséquences sur l'environnement? Retour sur une aventure humaine, scientifique et technique dans Regard de Guyane. Ce soir, nous partons à la découverte d'un bagne et d'une gare engloutie, de sites aurifères disparus, de vestiges amérindiens extraordinaires et de tout un écosystème transformé pour la construction du barrage de Petit Sceau. Nous allons découvrir une étude d'impact sans équivalent dans le monde pour un aménagement de la nature et nous allons voir également quelles sont les conséquences d'un tel édifice sur l'environnement. Tout de suite ce reportage, on se retrouve juste après avec notre invité. Une eau claire coule entre les roches de granit appelées Boul Karaïb. Parfois calme et tranquille, parfois torrentielle et tumultueuse, telles sont les eaux du Sinamari. De temps en temps, le cours d'eau s'élargit et s'approfondit, bordant une riche forêt primaire. Le Sinamari est l'un des 10 fleuves de Guyane et le 5e de par sa superficie de 6565 km². C'est aussi le plus profond. D'une longueur de 262 km, il prend sa source en plein cœur du massif guyanais, au nord de Sahul, puis redescend jusqu'à son embouchure, l'océan Atlantique. Si son histoire, au temps géologique, remonte à des milliers d'années, c'est en 1989 que sa destinée va changer. De fleuve, il va devenir lac artificiel, sous l'influence du barrage de Petit Sceau. L'histoire de la Guyane et de son électricité démarre bien avant le barrage, avec l'ouverture d'un casino-théâtre à Cayenne en 1899. Le mouvement est alors lancé et en 1904, la première centrale électrique de Guyane voit le jour. L'histoire se poursuivra dans les années 70 avec la fusion des deux centrales de Cayenne et de Kourou et la création le 1er janvier 1976 de la Société d'électricité de France, EDF. En 1980, les besoins énergétiques de la Guyane sont sans cesse croissants et il faut y répondre. Une nouvelle centrale thermique voit donc le jour près du port de Grattes-des-Cannes. Elle produit de l'énergie à prix avantageux, mais en utilisant un combustible polluant, le fioul. très vite, cette centrale ne va pas suffire aux besoins énergétiques de la Guyane. Concilier modernisation et conservation ne va pas être une entreprise facile. Il faut faire face à deux exigences qui semblent contradictoires. Satisfaire les besoins d'une population sans cesse croissante, tout en prévenant l'équilibre des milieux naturels dont dépend l'avenir de la planète. Du point de vue d'EDF, un barrage hydroélectrique s'impose alors comme la solution la plus adaptée. L'industrialisation du pays, il fallait composer avec la technique, avec tout ce que cela comporte au niveau aménagement, pour qu'on puisse développer et donner au pays un développement mieux. Tant qu'il n'y aurait pas d'électricité, on ne peut pas construire des écoles, on ne peut pas construire des hôpitaux, on ne peut pas aménager des usines. Personnellement, pris le côté développement économique. Même avec les regards difficiles que j'avais de la destruction de la nature. Nous sommes en 1989 et la première étape pour la construction du barrage, c'est la route. Partant de la RN1 à mi-chemin entre Kourou et Sinnamary, cette bande d'asphalte de 27 km, propriété d'EDF, permet d'acheminer le matériel pour la construction et servira ensuite d'accès direct à toutes les équipes en charge de la maintenance et de la surveillance du barrage. Du fait des travaux effectués pour la construction de l'édifice, un important programme de protection du patrimoine va démarrer en 1990. Il s'agit de la toute première intervention d'archéologie préventive jamais réalisée sur le territoire guyanais. Ce programme va permettre de mettre à jour de nombreux vestiges. Stéphane Vacher, l'un des responsables de la mission, se rappelle cette aventure humaine et scientifique. L'archéologie guyanaise était vraiment au début, vraiment en particulier pour l'archéologie amérindienne, on connaissait très peu de choses. Donc en fait, c'était l'opportunité de faire une intervention sur une très très grande surface, puisque le barrage c'est 310 km², et de voir en fait quel type d'informations on pouvait collecter sur les populations anciennes de Guyane. Dans le mobilier qu'on a pu trouver en Guyane, on a trouvé donc des poteries, des objets en pierre. On a trouvé 500 grammes d'os sur l'ensemble des sites qu'on a fouillés, qui étaient conservés dans des céramiques. On a étudié une partie du matériel, évidemment, pendant la phase terrain, mais ensuite, on a eu 2 années pour étudier ce matériel-là. Quand on entend parler de la forêt, souvent, elle a un peu une mauvaise réputation, comme un milieu sauvage ou dangereux, etc. Quand on arrive de métropole, évidemment, la forêt, c'est assez impressionnant. Il y a une absence d'horizon, c'est un milieu qu'on ne connaît pas et on se sent en décalage. Et donc, il faut être aidé par des gens, que ce sont les orpailleurs et les biologistes qui travaillaient sur le Sinnamary à l'époque, qui nous ont donné des conseils. Nous, on a toujours eu de très bons rapports avec les orpailleurs, parce qu'il y a, sur le fleuve, il y a un système d'entraide, en fait, entre les différents groupes. La plupart ont arrêté leur travail après l'interdiction d'exploiter sur les barges. C'est le cas de Jean-Pierre de Lanfranchi. Il était exploitant minier à l'époque sur la rivière Sinnamary. C'est là que j'ai pu rencontrer les archéologues, puisqu'il nous arrivait de temps en temps de trouver des haches amérindiennes, quelques objets qui avaient appartenu à des pièces précolombiennes, en creusant le fond de la rivière. Et certains amis qui, eux, travaillaient à terre, ont pu retrouver d'anciens feux. Donc à chaque fois qu'on découvrait quelque chose, on appelait les archéologues qui venaient rapidement, prenaient les mesures, tout ce qu'il fallait, les photos, analysaient. Et s'ils trouvaient que ça avait une valeur, donc ils agrandissaient un peu leur recherche tout autour. Mais on les aidait, on s'entraidait. Et le jour où le barrage a été mis en eau, ils ont voulu rapidement sortir des pièces qui avaient appartenu à la fameuse drague Coursibo, qui était là depuis 1912, qui avait arrêté de travailler en 1923. Et on a rapidement démonté quelques pièces de la drague, un moteur à vapeur qu'il y avait, et pas mal de petits objets qui se trouvaient à terre où se trouvait l'ancien atelier. Quand on a voulu démonter la dernière pièce, on pensait pouvoir la démonter rapidement, mais elle pesait plusieurs tonnes, parce que la barge entière, elle faisait 205 tonnes. Et on a failli se retrouver à la baille. L'eau montait, heureusement très doucement, on a pu récupérer 2 autres barges, ça collait à côté, et puis pouvoir la transporter jusqu'au barrage de Petit Saut, où après les grutiers sont venus la récupérer. Mais on a eu très chaud. De nombreux vestiges qui reposent aujourd'hui au service régional de l'archéologie de Guyane en attendant d'être repris dans un musée. Donc ça, c'est l'ensemble une partie de l'ensemble des collections de Tissot. Donc vous voyez que ça représente quand même un nombre conséquent de boîtes. Hein, et dans chacune de ces boîtes, donc, sont triées, classées après étude. bien tous les éléments par couche, par élément. Par exemple, vous avez ici des fonds, ici des panses, etc., des éléments de décor. C'est un type de placement qui intervient après l'étude, évidemment, de la céramique par les spécialistes. Voilà, donc c'est conservé dans ces boîtes hermétiques et à l'intérieur donc, de sachets plastiques, hein, avec chacune leur numéro de référence, voilà, qui renvoie donc à leur position stratigraphique et autres indications archéologiques. Les fouilles archéologiques vont durer 5 ans, le temps de la construction du barrage. En juillet 1989, le chantier de terrassement est ouvert. Les fondations de l'ouvrage peuvent commencer. Au total, il faudra déplacer plus d'1 million de mètres cubes de roches et de terre. Les trois ouvertures sont installées à même la roche et, afin d'éviter la corrosion, sont recouvertes de plus de 700 tonnes de plaques d'acier inoxydable. Puis, c'est le début du bétonnage. Le béton compacté au rouleau est utilisé pour la première fois en zone équatoriale, les techniques habituelles ne pouvant pas être réalisées pendant la saison des pluies. Le challenge était donc de réussir la mise en œuvre de l'ouvrage en moins de 6 mois. L'étanchéité du barrage est assurée, quant à elle, par un voile de béton armé classique. Le 18 novembre 1994, le barrage ferme ses vannes et la mise en eau peut commencer. Elle se fait à raison de 2 ou 3 mètres par jour jusqu'à transformer totalement le visage du Sinnamary. Outre les vestiges amérindiens et le patrimoine archéologique industriel de leur paillage, l'enloiement va également engloutir à tout jamais des lieux chargés d'histoire. La petite gare Tigre de Saint-Élie ne verra plus de locomotive passer sur ses rails. Tel un petit fantôme, la dernière hante encore le site de Petit Sceau. Quant au bagne des Anamites de Sauvata, il repose désormais sous l'eau. Seuls quelques vestiges font encore surface et rappellent une période douloureuse de la Guyane. Au-delà du patrimoine englouti, on peut se poser la question de l'ennoiement. Pourquoi recouvrir plus de 300 km² de forêt alors qu'il aurait été peut-être plus judicieux de couper les arbres pour les utiliser dans un but énergétique ? Le choix de couper ou de ne pas couper la forêt avant la mise en eau est une question qui avait bien évidemment été non élucidée, mais au moins analysée au sein du comité scientifique. Et il a fallu apporter des réponses d'une part techniques, connaissances, et de l'autre une question d'analyse des coûts financiers. Quand on regarde au niveau technique, il a fallu, pour enlever tous les arbres sur 360 km², il a fallu créer plusieurs dizaines de kilomètres de pistes, avoir des quantités de coupeurs de bois, de camions de bois pour enlever les bois de cette zone-là. Il aurait fallu enlever les petites branches non utilisées, soit les brûler à un endroit donné. Et l'ensemble de ce processus-là n'aurait pas pu se faire en 6 mois. Ne pas défricher, c'est vrai que ça a coûté beaucoup moins cher, parce que abattre les arbres avant, c'était un immense chantier. Et il fallait détruire ces arbres, il fallait les brûler ou les couper ou les transformer en planches. Donc tous ces travaux-là n'ont pas été faits et on n'a pas demandé l'investissement. Entre-temps, quand on coupe, si on laisse à volo, la nature reprend ses droits, repousse. Donc on aurait, si ce n'est sur 360 km², sur une très grande superficie, on aurait également favorisé de la repousse verte, pas du bois en tant que tel, mais de la repousse verte, des petits buissons, des herbes, qui sont la principale source de matière organique, qui ensuite vont, si elles sont dégradées, donner des gaz à effet de serre. Donc le fait de couper toute la retenue n'aurait pas été favorable au bilan carbone. Mais avec la mise en eau arrivent les premiers problèmes. Construire sur cet endroit un barrage et faisait déjà du bruit. Alors quelques personnes se posaient des questions et disaient, avaient même manifesté un non pour interdire la construction du barrage. L'installation d'un tel édifice dans le paysage guyanais n'a pas été accueillie avec enthousiasme dans les petites communes de Sinnamary, directement impactées par la présence du barrage. Patouel, une association d'aide aux pêcheurs, s'y était fermement opposée. Patrick Cosset, alors directeur de l'association et actuel adjoint au maire de Sinnamary, nous en explique les raisons. Quand on a l'âge, les gens trouvaient ça véritablement s'inquiéter, puisque ils ont vu qu'ils allaient vivre avec une épée de Damoclès sur la tête, au cas où ça cède. Donc les gens ont véritablement commencé à s'inquiéter. On s'était un petit peu aussi documenté pour savoir que quand il y avait le retenu d'eau, qu'il y avait pas mal de dégâts, qu'il y aurait eu pas mal de dégâts, puisqu'on commençait à percevoir les odeurs de la matière qui commençait à être un peu putréfaction. Donc on a demandé à ce que, quand on ne pompe plus l'eau dans le fleuve, qu'on trouve une source, on va dire, une source de pompage. Donc, et c'est là qu'on a véritablement commencé à faire des grèves, à faire des barrages pour que les gens puissent bouger. Donc le problème s'est posé de déplacer la station, on va dire, de pompage qui se trouve à la Pincombi. Et la proposition est arrivée d'aller mettre une nouvelle station de pompage à la crique Garrée, qui est une autre crique qui n'a pas, on va dire, de ramification avec le fleuve. Le maire de l'époque, Élie Castor, demande également à EDF une taxe professionnelle conséquente et compensatrice selon le principe pollueur-payeur. Cet accord de taxe nous a permis effectivement de réaliser pas mal de choses. En termes de logement aussi, hein, puisque le barrage de Petit Saut, lors de sa mise en place, pas mal d'ouvriers habitaient sur Sénat-Marie. Donc on a des cités en décrié, voilà. Donc on va dire, enfin, on ne peut pas dire qu'il n'y a eu qu'un côté négatif. Mais cette taxe a un effet aussi, on va dire, maléfique sur les autres corps de métier, puisque tous les artisans ou entrepreneurs paient la taxe au même niveau. Beaucoup de petits artisans qui étaient sur Sénat-Marie, ils ont été impactés notamment par cette taxe professionnelle. Il y en a même qui ont délocalisé leur siège social pour ne pas subir, on va dire, l'augmentation de cette taxe. Véritablement, le barrage a freiné pas mal d'activités, on va dire, qui existaient à l'époque sur ce fleuve. L'endoiement va également poser un autre problème. La disparition de la forêt entraîne fatalement celle de ses habitants. Le lac de Petit Saut, c'est 35 000 hectares de forêt primaire, d'une biodiversité qui n'avait pas encore été inventoriée par les scientifiques. Il y a eu des centaines d'espèces endémiques qui ont disparu de la planète. C'est une perte fondamentale pour le patrimoine naturel lyonnais, mais aussi pour l'humanité. Au moment de la mise en eau, de nombreux animaux vont être pris en charge par un programme de sauvetage. Cécile Richard-Ancel a été responsable du suivi des animaux capturés. C'est sûr qu'écologiquement, il y a un impact qui est évident, que tout le monde peut voir. Qu'il y a eu des, même si ce n'est pas tout mort, il y a quand même eu des grosses modifications écologiques, c'est clair. Moi, j'étais un petit peu le côté, quand on a fermé les vannes, j'ai pas envie de pleurer quand même si je ne connaissais pas le site avant. Je comprends les gens qui connaissaient le site avant que ce soit difficile à vivre. Mais c'est vrai que ça a été aussi, alors je ne sais pas si ça contrebalance, oui, un petit peu, mais point de vue scientifique, ça a été le point de départ de beaucoup d'études. Hein. Bon, par exemple, moi je suis arrivée pour ça et je suis restée, Benoît de Toisy aussi. Il y avait une vraie volonté quand même de documentation scientifique et de faire avancer les études et les connaissances. Il fallait innover tout le temps, ça c'était rigolo. Personne ne savait comment on attrapait des singes hurleurs, comment on attrapait des tatous, comment on attrapait tout ce qu'on a pu attraper, marquer, comment on les marquait. Moi j'ai passé un temps fou à essayer d'imaginer, à adapter des trucs que je connaissais d'avant, comment on allait leur mettre des colliers. J'ai fabriqué des centaines de colliers pour les paresseux par exemple, mais des centaines vraiment. Hein. On a marqué 900 paresseux, donc j'ai fabriqué 900 colliers. Tout ce qui était capturé passait par l'hôpital vétérinaire. Tout était vérifié, je disais anesthésié, mais aussi avec il y a une banque d'informations qui est gérée par l'association Quata maintenant, Benoît de Toisy, sur des parasites, des petits éléments, des poils, des choses comme ça, pour faire des études génétiques. Enfin, là, il y a une grosse banque de données qui a été constituée aussi à cette époque. En tout, 5800 animaux sont capturés sur 284 îles. Mais ils ne sont pas lâchés n'importe où dans la nature. Ils sont replacés dans une zone de forêt bien précise. Alors elle était assez proche pour pas, par exemple, faire des dégâts de mélange génétique, parce qu'on prend des animaux dans un coin de la Guyane, on va les mettre dans l'autre. On peut importer des maladies, on peut mélanger des, on va pas dire des sous-espèces, mais des on sait pas trop, on va pas essayer de jouer à l'apprenti sorcier. Donc ça avait été bien programmé pour une zone suffisamment proche. Cette zone, elle avait été choisie parce qu'elle avait été extrêmement chassée avant le barrage. Donc on pouvait se permettre de rajouter des animaux sans créer de nouveaux déséquilibres. Ce qui aurait été le cas si on les avait mis n'importe où dans une zone qui n'avait jamais été impactée. Un truc très important, c'est que ça a été la toute première zone forestière interdite à la chasse en Guyane. Il n'y avait jamais eu une zone encore où la chasse était interdite en Guyane. C'est l'ONCFS qui a été mandaté par le ministère pour un petit peu chapeauter cette opération de sauvetage et surtout vérifier effectivement que ces animaux qui allaient être relâchés n'allaient pas se faire tirer à la sortie des cages, quoi. Afin de répondre aux questions environnementales qu'un tel édifice doit respecter, un comité scientifique est également créé avant la mise en eau. La structure d'accueil des chercheurs est gérée par le laboratoire indépendant Hydreco, installé sur le site de Petit-Saut. Le comité scientifique de Petit-Saut a été mis en place dès le départ, à la demande de EDF, mais ce n'est pas EDF qui a choisi les représentants de ce comité scientifique. Donc Hydreco a créé une structure indépendante sur le site du barrage de Petit-Saut, en collaboration avec EDF, pour pouvoir donc créer et analyser l'ensemble des paramètres du milieu aquatique. Ça, c'était en 1989. Dès l'arrivée sur site, les premières analyses qui ont été faites sur le milieu naturel, c'est-à-dire la rivière, avec à la fois des paramètres physico-chimiques à prendre en considération, oxygène, température, mais aussi des éléments constitutifs de l'eau, tels que les nitrites, les nitrates, l'ammonium par exemple. Et ça, c'était fait sur l'ensemble du bassin du Seine-et-Marne, sur toute la rivière Seine-et-Marne. À fur et à mesure que les travaux EDF ont avancé, les mesures ont été en continu. Et lors de la création des barrages, quand la retenue s'est mise en place, il y a eu également des mesures de réaliser à la fois dans la retenue, mais également en aval de l'ouvrage et également dans la rivière en amont de la retenue. Et dès le départ, on savait qu'il y allait avoir une problématique vis-à-vis du mercure, puisque c'est un élément qui était déversé à l'époque par tout ce qui était extraction du minerai d'or. Donc il y avait une problématique mercure qui était déjà existante à l'époque de la création du barrage, et on savait que c'est un élément qu'il allait nous falloir suivre à la fois dans le milieu, les sédiments, et dans la chaîne trophique par le biais des poissons. Mais le laboratoire fait une découverte plus importante encore. Une des choses qui a été découverte dans le cadre de ces suivis-là, ça a été la découverte du fonctionnement des gaz à effet de serre. L'ensemble du process a été vraiment réalisé par des équipes scientifiques et des équipes de recherche dont c'était vraiment l'activité principale. Sandrine Richard a effectué ce suivi scientifique pendant 15 ans. Mon travail a consisté à étudier la qualité des eaux avant la mise en eau du barrage, pendant la mise en eau et après la mise en eau du barrage. Une fois que le barrage a été construit et a été fermé pour que les eaux puissent monter, on a observé la transformation de cette qualité puisque le barrage a noyé une grande partie de forêt primaire située donc juste à l'arrière du barrage. Il va y avoir une dégradation de cette matière organique qui va se faire. Elle va être très rapide. Elle va être dégradée par des bactéries qui vont consommer cette matière organique pour libérer des éléments minéraux d'une part et faire des rejets d'autre part, ces rejets étant des gaz à effet de serre, que ce soit du méthane, dioxyde de carbone, d'hydrogène sulfuré ou des produits azotés. La végétation s'est décomposée au fil du temps, donc on a observé une diminution de la quantité d'oxygène dans l'eau et une augmentation de la matière organique dissoute dans les eaux. Tout ce process-là, il n'était pas connu de façon très pointue et il n'était surtout pas quantifié à cette époque. Petit-Saut a été, à ce niveau-là, un grand chantier à ciel ouvert par rapport à toute la matière organique qui s'est décomposée et qui a donc au départ, dès la mise en eau, libéré les grandes quantités de gaz à effet de serre. La présence de gaz à effet de serre dans la retenue de Petit-Saut est liée au temps de rétention des eaux. C'est le temps que met l'eau pour passer de l'amont du barrage, c'est-à-dire de la tête de barrage, jusqu'au pied du barrage. Plus le temps de rétention est long, plus l'eau va se charger en gaz à effet de serre, va se transformer et va aussi avoir de moins en moins d'oxygène. Donc dans le barrage même, il y a deux couches d'eau qui se sont formées, une couche superficielle qui était oxygénée et une couche dite de fond où il n'y avait plus d'oxygène dans les eaux. Au premier tour de turbine, on a constaté, puisque les turbines sont situées au fond du barrage, que les eaux qui étaient donc déversées en aval du barrage étaient privées d'oxygène. D'où s'est engagé de nombreuses études durant plusieurs mois. Le barrage donc n'a plus turbiné. Les eaux ont été évacuées par la surface, une zone dans un déversoir de surface qui permettait justement de maintenir de l'oxygène à la base du barrage. Et ces études ont amené à construire une sorte de deux marches. Il y a deux marches en fait qui permettent aux eaux qui sont turbinées d'être oxygénées, réoxygénées. Et ça a permis également de dégazer les gaz qui étaient produits suite à la décomposition de la matière organique. Malgré toutes les précautions prises par EDF, l'association Mayuri-Guyane estime qu'un barrage n'est pas une énergie propre. Il faut arrêter de s'imaginer que le barrage, un barrage hydraulique amazonien, j'insiste sur le terme amazonien, est une source de production énergétique verte, durable et propre. En fait, c'est tout le contraire. C'est certainement le procédé de production énergétique le plus polluant en termes de rejet de gaz à effet de serre. Sur 20 ans, on a dégagé 3 fois plus de gaz à effet de serre qu'une centrale, que la centrale de dégrade des câbles. Si on fait un bilan du barrage de Petit-Saut aujourd'hui, on peut dire que les quantités de gaz à effet de serre sont nettement moins importantes maintenant qu'au tout début de la mise en eau du barrage. C'est là où il y a les plus grosses productions de métal et de CO2. Et si on compare les quantités de gaz à effet de serre produites par le barrage à une centrale, par exemple, thermique au fioul comme dégradé calme, on peut dire que le barrage devient intéressant au bout de 70-73 ans, en état des connaissances actuelles. Et c'est effrayant, parce que là, nous sommes à 21 ans d'exploitation du barrage. Ça veut dire que pendant les 52 prochaines années, ça aurait peut-être certainement été mieux d'avoir une centrale thermique. On parle de centrale thermique d'ancienne génération. C'est-à-dire qu'avec la nouvelle génération de centrales thermiques, le gain aurait été certainement plus grand. Sous les eaux ont disparu à tout jamais une faune et une flore inestimables pour les besoins énergétiques de la Guyane. Mais ces besoins ne doivent pas faire oublier les enjeux pour la planète de fournir une énergie renouvelable et surtout propre. Aujourd'hui, l'avenir s'élève à 51 mètres de haut et porte désormais sur ses épaules 3,5 milliards de mètres cubes d'eau qui devront prouver à la Guyane que ce choix était le bon. Et vous pouvez visionner la deuxième partie de ce reportage qui est disponible en ligne. Donc, je repasse la parole à notre grand témoin, M. Armand Hider, avant de passer par la suite à vos questions, vos réactions, vos débats citoyens sur ce sujet. C'est bon ? Oui. Mais j'ai choisi ce film exprès. Il fallait que vous puissiez, vous voyiez que tout n'était pas... et qu'il fallait réfléchir sur le moyen de production d'énergie électrique pour développer économiquement un pays. Qu'on veut développer, et comment? C'est pas facile à faire. Je peux vous dire que sur les 10 000 personnes que j'ai reçues sur le site pendant la construction, que tous les jours, j'avais l'obligation, j'avais mon métier, mon service, c'était de donner l'information vraie aux élèves, aux personnes touristiquement parlant venant de Guyane. Souvent, j'avais des gens du Suriname ou de Guyana, parce que les voisins s'inquiétaient. Pourquoi on va inonder 310 km² de forêt et on ne coupe pas les arbres? Eux ont coupé les arbres. À Ofobaka, au Suriname, on a coupé les arbres. À Burkopando, et j'ai eu la chance d'avoir fait tous les barrages qui sont dans le voisinage, y compris au Brésil. C'était ça l'enjeu. Pourquoi inonder les 310 km² de forêt? Alors c'était une expérience pour eux, et ils sont venus. Vous avez vu que ça a posé problème. On n'a jamais dit qu'on a tué les poissons. Vous n'avez pas vu dans le film? On ne dit pas qu'on a détruit les poissons. Ce sont ces poissons morts qu'on a vus à l'embouchure du Sinnamary qui a fait que la réoxygénation de l'eau, il y a eu quand même une démarche politique, une démarche économique, une démarche environnementale pour dire votre barrage-là, il n'est pas bon. Il y a quelque chose qui va pas. C'est vrai que quand j'ai commencé la présentation du barrage en 90, d'abord, il n'y avait que 3 turbines. Il n'y avait pas 4. Ah non, la Guyane n'aura pas besoin de 4 turbines, il n'y a pas suffisamment d'habitants, on ne fait pas ça. Me suis dit, vous avez un plan, voici, il y a 4 turbines, là on va en mettre 3, et la quatrième turbine, on va la mettre dans 5 ans, 6 ans, quand la Guyane aura des habitants. Un an après, on m'appelle, on me dit, monsieur Hier, la direction générale est venue, et sur le site, réunion de travail. On va changer la carte. Le centre spatial dit qu'il faut 27 MW pour faire fonctionner toutes les installations. L'autre dit, je veux 27 MW pour faire fonctionner. C'est Laurent Dumaroni qui crie au secours et qui dit, je veux moi aussi 27 MW. Alors, 4 turbines de 27 MW pour donner de l'électricité à l'ensemble du territoire. C'est le jour de l'eau, il n'y a pas de pas dedans. C'est le problème de la Guyane, c'était ça. Ne pas faire le barrage, ne pas construire ce barrage, c'était la catastrophe pour le pays. Les 10 prochaines années, après 89, là, on aura rien fait pour ce pays. Vous avez bien vu qu'avec le barrage, Saint-Laurent du Maronnier est tombé dans le lac. La grève, ceci, il n'y a pas de courant, on ne peut pas vivre. C'est vrai. Parce que vous avez un réseau. On n'a pas parlé de ça. Une perte en ligne dans un réseau qui part de petits sauts de 90 000 volts et qui se transforme en 20 000 volts ampères arrive à Saint-Laurent du Maronnier avec une perte énorme. Le réseau est en trop long. Il n'y a pas de consommateur sur le long. Oh, il n'y a pas de consommateur. Il aurait fallu avoir 3 villes comme Saint-Laurent sur la route. Irakoumbo aurait dû être une grande ville. La perte en ligne est importante. Mais la perte en ligne pour aller à Cacao est déjà énorme. Cacao, c'est perte en ligne. Vous avez le réseau qui passe dans la forêt. Regardez ce réseau tenu là. Ça ne sert à rien. L'électricité, parce qu'ils font plus de courant dans cette ville-là qui se passe. Donc, je vais vous laisser la parole parce que vous savez, je vais vous la garder jusqu'à minuit. Et c'est intéressant. Moi, pour moi, personnellement, je vous dis que ça fait longtemps que je n'ai pas vu le film. Mais on ne s'était pas trompé. Hein. C'est bon, hein. C'était bon le film. Ça va ? Ça, j'ai choisi parce que je savais que vous auriez dit oui. Merci. Et je vous laisserai la parole, mais nous avons deux anecdotes, hein, parce que on va parler quand même des anamites, là, du barrage, comment les anamites ont fait du bon boulot à Sauvada pour essayer de développer la Guyane. C'était un des plus grands chantiers de l'époque, le bain des anamites à Sauvada. Elle en a parlé, la petite dame, tout à l'heure, là. C'est très important. Et puis, l'avenir. On va parler tout à l'heure du soleil et de la pluie. On va parler du bois, du biomasse, et ainsi de suite. Tout ce qui peut, demain, nous permettre de mieux développer économiquement notre pays. Voilà, je vous laisse la parole. Merci, M. Hilliard. Je vous propose tout de même d'applaudir M. Hilliard pour le positif de finir sur la. Mais aussi les enjeux d'avenir qu'il a soulignés. Et je vous propose de lancer le débat en fonction des sujets qui vous inspirent, des questions que vous avez. La parole est à vous.